sur toi. J'ai pas de masque. Elle veut savoir si ça y est, j'ai peur. Même ça change air avec tous mes potes. Dans la shop, ah, les mains dans les poches, je fais des strophes. Ah, dans la MG, on va réfléchir à te faire game. J'ai le Pulitzer, j'suis pas Pulitzer. Non, son premier frère dans les polyflèges. La différence il la fait pas entre un vieux plug et un vrai plafond. Deux, trois conneries, ça glisse dans sa je gore comme du savon. J'en ai dans la tête, sur les épaules et en caleçon. J'ai les couilles comme la braise et j'ai le cœur comme un glaçon. Dis-moi, toi t'as quoi de spécial? J'ai du milieu terrain comme Michael dans Space Jam. Oh, là je suis tout plein de meufs à la chose en pâté de James Bond. Nouvelle année, les ans c'est nous. Les autres c'est nous. Hier tu parlais mal, aujourd'hui t'es à genoux. Quand j'ai l'impression que t'as du mal à comprendre. Si ça tenait qu'à moi, tous ces phallas se feraient pendre. J'ai mis le Kenina à vendre. Une bonne affaire, plaisir garanti pour une heure. Oh oui, ils ont mon âge. Ça me dégoûte, je les vois triquer sur des mineurs. La différence il la fait pas entre un vieux plug et un vrai plafond. Deux, trois conneries, ça glisse dans sa je gore comme du savon. J'en ai dans la tête, sur les épaules et en caleçon. J'ai les couilles comme la braise et j'ai le cœur comme un glaçon. V de l'outil comme à Tokyo. Fous-moi mi si tu démnocchio. La toi type à Inginocchio. Dico basta e fumo il doppio. Di jolly ce n'è uno se no giochi sporco. Troppo Xanax, il tuo bro ti infama. Non sei di strada, hai due canne addosso e sei pieno di para. Sei pieno di para. Viola nel double cap, fa culo il tuo club, sono up. Siamo ancora sotto il block, yeah. Sotto il block, yeah. Wow. Sotto il block, yeah. Wow. La différence il la fait pas entre un vieux plug et un vrai plafond. Deux, trois conneries, ça glisse dans sa je gore comme du savon. J'en ai dans la tête, sur les épaules et dans le caleçon. J'ai les couilles comme la braise et j'ai le cœur comme un glaçon. La différence il la fait pas entre un vieux plug et un vrai plafond. Deux, trois conneries, ça glisse dans sa je gore comme du savon. J'en ai dans la tête, sur les épaules et dans le caleçon. J'ai les couilles comme la braise et j'ai le cœur comme un glaçon.